kakoui an tanta la Manjwen si do ni kala zaza Zouti bien filé akomodan Se si se de dwe tout an pomigan Si do ni se sik sou se dan miel Dan nuit se jou kler e ciel La vi fini man la desa Bel balata pou la choupa Kon avala zaka si mè he Si do ni pa s'arrete lobe Kala zaza a bien déguisé Si kla brille mas la tombe Kon ari mwen te kamijote An lè an fouye di fe Bon vent soufflé, mon pas ouais ça. Belle balade à la Juba. Quelle est la Jessa? Quelle est la Jessa? Si donnez ma petite fille, mettez-moi un dans l'eau. Quelle est la Jessa? Mon hélo mori, ou t'es ma crio. Quelle est la Jessa? Moi, ça couille qu'on avale là. Quelle est la Jessa? Mon caille couille qu'on avale. C'est pas pour ça l'homme où nous finit Si vous les dévirez pas réfléchi Vous faites des poids, mon isoutil Premier coup, la mort était surpris À présent, moi ni prédit Si Donny dit, allez quoi ça Belle balata pour la joue pas Quelle est la Jessa Quelle est la Jessa Quelle est la Jessa Si Donny m'en fifi, mettez-moi un dallo Quelle est la Jessa Si Donny qu'a jeté, dit une gloria Quelle est la Jessa? Mon kai koui kon avala